Yo. Hey yo FLO, à ce qui paraît le thème c'est la police. Je vais faire ça bien en essayant de pas tomber dans la démagogie. Ok, les mettons pas tous dans le même sac, du coup j'exprime ma douce vendetta seulement pour ceux qui font les fous quand je débarque avec mes cousses. Et qu'on se moque la pure weed, j'ai les gousses entre mes balles à cause de leur contrôle abusif. Ils ont de la frustration et du pouvoir, allergique aux casquettes basket, ils te veulent dans une cellule toute noire. J'en fais tout un foin quoi, c'est logique, la police de proximité, je la veux loin de moi. T'es foutu, si t'es pris dans les griffes des vautours, rien ne sert de crier au secours. J'ai vu sur YouTube, les vidéos tournent, l'État t'écrase, eux veulent purifier leur peuple. Tu dois la fermer, écouter quand un keuf gueule. On peut plus le nier, vu que leur justice est faite pour nous humilier. Je fais une croix dessus, faudrait crucifier ces justiciers. Ils crient dessus, ils me disent, fais pas le beau morveux. Dans mes rêves les plus fous, J'ai des hématomes au bleu. Tu vas planter ton tige dans le son, frère. C'est ce que tu vas faire. 22, voilà les j'trouve ça sans contrôle à planer. Mets ta zep dans tes couilles si tu veux encore planer. Deux flics arrivent avec le gyrophare, ils ont des têtes de champions. On fait trop de bruit à la muraille, c'est là que nous campions. Dans les flics, y'a le bon, y'a le méchant. En Belgique, y'a le wallon, y'a le flamand. Un des deux te cherche des ennuis dans ces situations. Il aboie comme un teckel, il essaye de te ken. Ouais, t'as compris, c'est lequel? Non, c'est pas du racisme, mais une constatation. Donne du pouvoir à un homme, il s'en poussait des ailes. Alors faut pas qu'on s'étonne que tout le monde les déteste. Parce qu'ils rendent par jour les gens pour des broutilles. Sort des phrases bateaux du genre contrôle de routine. Et y'a des gens avant, ouais, qui les aimaient bien. N'étaient pas là au moment où ils en avaient besoin. Si les Smith étaient pas bêtes, ils seraient pas devenus des flics. Ils ont vraiment rien à faire. Mettre la sirène pour prendre des flics. Yeah. Je m'éclate, non, en fait je maudis l'alcool. C'est rare, comme un flic ouvert au dialogue. Ils veulent mon permis, une fois de plus. Mais je m'en bats les couilles, demain je ne paierai pas le bus. FLO, tu peux compter sur moi. On a plumé tous ces poulets, il me reste une canne. Yeah, et je ne pourrais pas sans. J'ai essayé plus d'une fois et je trouvais ça chiant. Donc fuck ces homies pédérastes. On crée le buzz quand Tony fait des vagues. Il est l'heure de profiter de mes phases. Envoie chier de bon cœur la police fédérale. Tu vois, ça fait du bien, si ce n'est pas le cas tu mens. Quand j'étais petit je me disais putain faut que tu braques une banque. Aujourd'hui mon discours est plus rassurant, mais je ne rate jamais l'occasion de flinguer l'adjudant. Là tu fais tout au cacheux, ok. Et je peux t'en sourire que là-bas, tu peux te tatouer tout ce que tu veux sur ton tiche. Tire nulle part, qu'on prenne danse, y'a pas de prison break chez nous.